j'suis un peu méca. On s'arrange pas d'ulterre et j'ai des cas. Quand y'a pas de standard, ça y a dans mes centaines. Moi devant eux comme Youssouf en famille. Tu sais qu'ils ont à ce truc. Oui, le truc dont je te parle, c'est pas celui que tout le monde suce. Et je le repère au loin. La main sur le front pour cacher le soleil. Je vois mieux toutes ces trucs. Oh, eh. Sans bon cap à la palabre. Quand le son pas là, pas là. Je coupe la quête plat dans le Vespa. C'est de la DOM, boy, t'inquiète pas. J'suis dans Ubeven, j'suis son Superman, ya. J'fly en jetpack, j'tire sur fumigène, ya. Fais ta danse, bitch, l'homme ça fait ta danse, ya. Fais ta danse, bitch, l'homme ça fait ta danse, ya. J'suis dans le code pitch, gravite, c'est que ça conce grave. J'ai la dope shit, ma stage me la dose, ya. Ça veut copline, on dissert par la poste, ya. Tout dans le poche tard, on fait belle et poche tard. J'fais le vide, ya. Nezo dans la ville, ya. J'ai la ligne. Hey, mucho vitamina. Jali, forte come Paki. Noi due siamo i pali. Non mi segui ma mi capi e mi adi. Guardi di nascosto le mie story. Segui il mio ritmo alla muori. Non sei un G, sei Magi Pil. Non parli strano quando porti il grill. Bel charal, fuck hadra bzzet. Marra l'ula, make in best. E c'ha gadi con Alej. Jali che fuma? Corri dietro la pula, codeina la cura, il team non ha paura. Ogni giorno una hit out, dottor guapo fa la sauce, il tuo beat.